Antoine Désiré, Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Deux camps du parti Prona ont annoncé ce samedi qu'ils se sont convenus pour une réunification effective après plus de 10 ans de scission au sein de cette formation politique. Dans cette optique, ils indiquent qu'ils auront une communication commune sur toutes les questions concernant le parti et la vie nationale. Vous l'entendrez. Deux chefs collinaires ainsi qu'un chef de sous-colline sont au cachot du commissariat de police à Karoussi depuis mercredi. Ils sont accusés de coups et blessures graves infligés à une femme de cette colline, tandis que deux personnes ont été condamnées ce vendredi par le tribunal de grande instance de Kirundo pour une atteinte à l'économie nationale. Et puis le PMA des redevances en francs burundais en matière de transport maritime concerne seulement les bateaux de transport local, comme l'a décidé le Conseil des ministres tenu mercredi. Vous entendrez le secrétaire général de l'État, François Akiman, assurer la mise en onde. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le chef de colline Ramzia de la commune Buhiga en province Karoussi, son adjoint et le chef de sous-colline sont au cachot du commissariat de police Karoussi depuis mercredi, comme le confirme l'administration communale. Ils sont accusés de complicité dans de coups et blessures graves infligés à une femme de la localité. Des sources indiquent que c'est la deuxième fois qu'elle est violentée par les mêmes personnes dans une période d'une semaine. Blaise Pascal Kararumi. Murekerisoni Alice de la colline Ramvya, commune Buhiga, province Karoussi. Et cette femme qui a été retrouvée ligotée et battue ce lundi passé par des jeunes de cette colline qui sont évalués au nombre de 7. Comme le disent les habitants qui le témoignent. Et cette victime est hospitalisée depuis mardi passé suite aux coups et blessures lui infligés. La population rencontrée au bureau communal de Buhiga où elle venait témoigner ce qui s'est passé sur les collines de Ramvya indique qu'Alice a été arrêtée par ses jeunes et responsables de cette colline lorsqu'elle achetait sur une boutique de la place du sel et d'autres denrées pour aller faire la cuisson. Ses habitants renseignent que ces derniers demandaient à Alice de leur donner une somme de 20 000 francs et cette dernière les a refusée et de là, ces jeunes l'ont conduite vers un boisement où ils l'ont ligotée, battue à l'aide de bâtons et du métal jusqu'à la blesser au niveau des hanches des deux bras. Le secrétaire permanent de la commune Buhiga, qui confirme avoir été saisi et suivi le dossier, confirme avoir reçu ces accusations de ses habitants. Il explique que le chef de colline, Madame Joséphine Nyokindi, son adjoint et le chef de la sous-colline Gahé, où a eu lieu cet incident, sur cette colline de Ramvya, ont été arrêtés pour enquêter sur leur probable responsabilité dans tout ce qui s'est passé sur la violation des droits de cette femme d'Inodalice Mouli. Signalons que la population sur place et la famille de la victime affirment que cette même Alice avait passé la nuit de jeudi à vendredi de la semaine passée dans le même milieu communément appelé Ligara, étant ligotée et battue par les mêmes jeunes de la place. La population indique qu'elle a été relaxée le lendemain avec une amende de 20 000 francs. C'est cette somme de 20 000 francs que ces jeunes demandaient à Alice et que cette dernière avait refusé de donner à ces derniers et que cela se faisait en présence des responsables de cette colline. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. De Karoussi, rendons-nous en province Kirundo. Deux personnes de la province Kirundo, dont un commerçant, ont été condamnées ce vendredi par le tribunal de grande instance de Kirundo d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et une amende de 2 millions chacun pour atteinte à l'économie nationale. Cette dernière est liée à la collecte illégale de café parche, s'estimant à plus de 3 000 kg. Et les condamnés à cet acte avaient plaidé coupable au cours de l'audience, Abraham Safari. Dans un procès de flagrance de ce vendredi dans l'après-midi, deux personnes ont été condamnées par un acte d'atteinte à l'économie nationale lié à la collecte illégale d'eau de 3025 kg de café parche. Ainsi, pour ce premier, il a été accusé par le substitut du procureur qu'en date du 21 mai, 2221 kg de café parche ont été saisis dans la chambre de sa maison. Pour le second, la police avait saisi 835 kg de café parche sur la colline de Nyamabouye en commune de Bugabira, caché également dans sa maison. Après la réception des accusations par le tribunal de grande instance de Kirundo, ce dernier a sanctionné par une peine d'emprisonnement de 2 ans et une amende d'un million de nos francs chacun. Au Mahou, le ministère public avait demandé une peine d'emprisonnement de 5 ans et une amende d'un million de nos francs pour chacun. Les deux auteurs, à l'atteinte de l'économie nationale, comme le tribunal l'a appelé, ont accepté les accusations devant la barre de juridiction, mais avaient toutefois signalé qu'ils ne savaient pas qu'ils ont commis une atteinte à l'économie du pays et pour ce, ils ont demandé l'allègement de la peine. C'est alors après la mise en délibéré que le tribunal a pris cette sanction. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safar. Justice, toujours le tribunal de grande instance de Mukasa a décidé le maintien en détention préventive de Sandra Muhoza, journaliste de la Nova Burundi, après sa comparution en date du 6 mai dernier. Muhoza est détenue à la prison centrale de Mhimba depuis jeudi 18 avril. Elle est poursuivie pour 2 infractions, atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Elle a été arrêtée le 13 avril cette année. Elle venait de répondre à un appel d'une personnalité qui promettait de lui fournir des informations en province Ngozi. Sa défense trouve que Sandra devrait être libérée immédiatement. Et de son côté, le journaliste Kenny Claude Nduimana est locataire de la même prison centrale de Mhimba depuis octobre l'année passée. Il est accusé d'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Son confrère a comparu le 2 mai devant le tribunal de grande instance de Mukasa. Après audition, le tribunal a remis l'audience au 16 juillet prochain et pour cause, son co-accusé dans cette affaire a été libéré provisoirement et ne s'est pas présenté à cette audience. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons santé à présent. Toute personne est appelée à se faire dépister fréquemment dans le but de voir si elle n'est pas porteuse de diabète et d'hypertension artérielle. L'appel est d'Apollinaire Nijimbere, infirmier au centre de santé de Nyakabiga en mairie de Bujumbura, au moment où ce centre avait organisé ce samedi un dépistage gratuit de la glycémie et la prise de la tension artérielle. À cette date, l'on se rappelle de la pionnière des infirmiers, ajoute Nijimbere, qui informe en outre que lors du dépistage de ce samedi, des patients diagnostiqués positifs à ces deux maladies ont été enregistrés et ont reçu des conseils relatifs. Ce dépistage s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'infirmier du 12 mai de chaque année. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Cette journée correspond à la naissance de pionnière des soins infirmiers, qui est Florence Nightingale. Cette infirmière, cette pionnière a sauvé des vies humaines grâce à son dévouement et courage. C'est elle aussi qui a créé les premières écoles d'infirmières. Le thème en soi de l'année 2024, c'est nos infirmiers, notre avenir, le pouvoir économique des soins. Parfois, les gens, en commençant sur le pouvoir économique des soins, les personnes en soi ne se fassent pas soigner ou dépister des maladies. Ils attendent que les signes cliniques apparaissent, mais normalement, les gens devraient faire des bilans de santé régulièrement, soit annuellement ou 2 fois l'année, mais les examens de routine devraient être faits. En voyant cela, nous avons pensé de faire des examens de glycémie capillaire pour dépister le diabète et la prise de tension artérielle pour dépister l'hypertension. Et on a fait des découvertes fortuites d'hypertension ou d'hyperglycémie pour des gens qui ne savaient pas qu'ils sont malades. Je vous l'avais dit dans les titres, le paiement des redevances en francs burundais en matière de transport maritime concerne seulement les bateaux qui font le transport local. Ainsi a conclu le conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine. Dans un compte rendu de ce conseil, Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État, a indiqué que ce projet d'ordonnance ministérielle porte révision d'une autre ordonnance sur les droits et redevances perçus sur le transport maritime. On l'écoute. Projet d'ordonnance ministérielle conjointe porte en révision de l'ordonnance ministérielle conjointe numéro 720/540/058/2018 portant fixation du taux de droits et de redevances perçues sur les activités du transport maritime et portuaire. La révision de l'ordonnance en vigueur a pour objectif de 1. Instaurer les droits et redevances à percevoir sur les catégories de bateaux et autres engins navigants qui n'avaient pas été prises en compte dans l'ancienne ordonnance. 2. Augmenter significativement le tonnage imposable. 3. Instaurer des pénalités pour réduire considérablement les risques d'accidents dans les eaux nationales et renforcer la sécurité de la navigation dans les eaux du Burundi. Après analyse, le projet a été adopté avec entre autres recommandations de préciser que le paiement des redevances en francs burundais concerne seulement les bateaux qui font le transport local. Ce conseil des ministres a en outre analysé les conditions exigées à un investisseur privé dans le projet de construction des logements sociaux. Il a recommandé que ces constructions soient faites dans le respect des règles régissant l'urbanisme. Encore une fois, Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État. Les outils de planification du Burundi mettent un accent particulier sur les logements sociaux et l'aménagement dans l'habitat décent, accessible aux citoyens burundais à faible revenu, et exige l'engagement des responsables ainsi que la conjugaison des efforts avec divers intervenants. Le Code de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction autorise les promoteurs immobiliers privés à réaliser les opérations d'urbanisme. Des promoteurs immobiliers ne cessent de manifester leur volonté d'investir dans ce secteur et certaines banques affichent également leur intention et le gouvernement encourage ce genre d'initiative. À l'issue de l'analyse, le projet de décret a été adopté avec entre autres recommandations de veiller à ce que les constructions soient faites dans le respect des normes de l'urbanisme. Et sur la page politique et réunification ce samedi de deux camps de l'Iprona après plus de 10 ans de scission au sein de cette formation politique. Au cours de cette activité, le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, a indiqué qu'après différentes sessions de dialogue et réunions, et ces deux camps annoncent qu'ils se sont convenus de se mettre ensemble pour l'intérêt du parti mais aussi pour le pays. De son côté, Tassien Siboman a indiqué que désormais le parti va donner une communication commune sur toutes les questions concernant le parti et le pays. Le point avec Ornella Mucho. Lors des rassemblements des deux camps du parti Iprona, d'informer les résultats issus de différentes réunions et dialogues qui a duré 2 ans, le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, indique qu'ils se sont tous mis d'accord que les divisions qui ont caractérisé les organes du parti n'ont avantagé aucune partie raison de la réunification de ces deux camps. Selon lui, cela pourra servir de modèle d'autres partis qui traversent des situations difficiles. La direction du parti Iprona, appelé Dokumugumia, a pris l'initiative, mais ce n'est pas même l'initiative, c'était la volonté de deux côtés de se mettre ensemble, de dialoguer et de voir effectivement les questions qu'il fallait débattre et trouver des consensus et des compromis. Nous avons d'abord accepté tous les côtés, qu'effectivement, vous savez, quand il y a un côté, il y a des deux directions. Alors, il fallait trouver comment les deux parties seront dirigées. On a jugé bien, effectivement, malgré qu'il y a beaucoup de personnes et de grandes personnalités qui pouvaient quand même être à la hauteur, suivant que nous approchons les élections, qu'effectivement la direction actuelle continue à diriger le parti, mais en collaboration avec d'autres Badasigana à travers les comités, le bureau exécutif, comité central, et c'est à travers de tous ces organes que les décisions sont prises. Tassien Siomana indique qu'avec une communication et vision commune, le parti Iprona aura une place considérable dans la gestion des affaires de l'État. La première plus-value, ce sont les hommes que nous apportons. Nous amenons des Badasigana intelligents, intègres, qui ont manifesté l'amour du parti sans contrepartie. C'est très important. On courait même des risques, mais sans espérer récolter quoi que ce soit. C'est très important. Dans l'esprit des Badasigana, cette culture doit être enracinée. Parce que si tout le monde venait à militer pour que demain il ait un poste, le parti Iprona aurait disparu depuis Berlin. Nous n'apportons pas n'importe quel Wadasiga. Nous apportons des hommes et des femmes intelligents qui vont apporter de l'expertise à l'UPRONA, qui vont proposer des solutions aux problèmes qui entrent les Wadasigana et qui entrent le pays. Nous allons collaborer main dans la main avec ceux que nous sommes réunifiés aujourd'hui pour que justement l'UPRONA puisse franchir un autre cap. Pourquoi pas retourner aux affaires, dans la conduite des affaires de l'État, si ce n'est pas dans l'immédiat, tout au moins avoir une place considérable dans la gestion des affaires de l'État. L'ancien leader du parti UPRONA, Émile Mourouha, conseille les Wadasigana de toujours considérer l'objectif du parti et l'idéologie du prince Louis Gorgasole pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Les deux camps restent optimistes qu'il n'y aura plus de division après plus de 10 ans de scission. Merci Ornella Mucho. Parlons sport pour boucler cette édition. Une enveloppe d'un million d'euros a été allouée au Comité national olympique du Burundi par l'ambassade de France lors d'un atelier avec les fédérations concernées ce samedi. Christophe Reilac, conseiller adjoint de coopération à cette ambassade, a indiqué que ce financement est destiné à toutes les fédérations dans le cadre du projet pour l'émergence et la promotion des sportifs. Suivez-le. L'ambassade de France au Burundi soutient le projet présenté par le Comité national olympique concernant l'émergence et la promotion des sportifs au Burundais. Ce soutien est la suite logique de différents projets qui ont été menés depuis plus de 5 ans maintenant. Et ça s'inscrit, je dirais, dans un calendrier international avec cette année les Jeux olympiques et paralympiques qui ont lieu à Paris. Et dans 2 ans, les Jeux olympiques et paralympiques de la jeunesse qui auront lieu en octobre-novembre 2026 à Dakar. Donc à travers ce projet, l'idée c'est vraiment qu'il y ait plus d'athlètes et donc plus de médailles pour le Burundi dans les 2 ans qui viennent. Il y aura une partie qui sera gérée directement par le Comité National Olympique et l'autre partie qui pourra être gérée par l'opérateur Campus France pour les mobilités internationales et aussi par l'ambassade de France par rapport à l'achat d'équipements qui pourront bénéficier de la détaxe. L'idée c'est de lancer des appels à projets successifs pour identifier les bons projets portés par les différentes fédérations. Il y aura un certain nombre de critères qui seront définis. Cet appel à projet sera lancé dans les semaines qui viennent et on espère qu'à la rentrée scolaire en septembre-octobre prochain, tout soit bien décidé pour lancer les activités d'ici la fin de l'année. C'était Christophe Reilac, conseiller adjoint de coopération à l'ambassade de France au Burundi, dont les propos ont été recueillis par Omer Ndouaye. C'est par ici que s'achève cette édition. François Akiman a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir. Difficile gestion des élèves de 9e en période pré-concours, constate la voix de l'enseignant. Le concours d'orientation et de certification des élèves de la 9e est prévu du 4 au 6 juin 2024. Mais les candidats à cette épreuve se comportent mal depuis le début du 3e trimestre. Normalement, les enseignants sont sommés de terminer les cours théoriques avec le 2e trimestre, mais force est de constater que les absences deviennent remarquables et insupportables aux yeux des enseignants, fait remarquer ce confrère. La cause principale est que les résultats de la classe ne sont pas considérés pour pouvoir être candidat au concours, explique cet hebdomadaire de l'éducation qui rapporte par ailleurs que les enseignants et les autorités scolaires se lamentent de l'état lacunaire des textes en vigueur et de leur caractère non contraignant envers ses élèves pour se présenter régulièrement en classe. Les précautions qui semblent être porteuses de fruits ne sont que des évaluations inappropriées ou averties. Mais, regrette toujours la voix de l'enseignant, cela ne peut pas dissuader tout le monde, d'autant plus que les notes obtenues en classe n'influencent en rien l'avancement de classe. Les enseignants demandent au ministère de l'Éducation de se saisir du cas, conclut ce journal. Vous saurez que plus de 81 000 candidats sont attendus pour participer à ce concours national édition 2024 et qu'une allocation budgétaire de 1,7 milliard de francs burundais a été prévue pour organiser ce concours, comme l'écrit le journal Burundi Echo. Sur un autre plan socio-économique qui est son domaine de prédilection, et précisément concernant les prix des denrées alimentaires, ce confrère constate en léger mieux, sauf pour les pommes de terre et le sel de cuisine. À titre illustratif, écrit cet hebdomadaire, dans une période ne dépassant pas un mois, le prix d'un kilogramme de sel de cuisine a augmenté de plus de 800 francs burundais. Actuellement, il oscille entre 2000 et 2200 francs bou au marché d'Ongagara 2, communément appelé Kotebu. Le sel de cuisine, qui depuis longtemps est resté le seul produit alimentaire le moins cher au Burundi, vient d'enregistrer une révolution, constate Burundi Echo. Les commerçants qui se sont exprimés dans les colonnes de ce journal indiquent que ce produit n'est pas disponible sur le marché. Quant aux pommes de terre, le prix varie entre 2100 francs burundais et 2200 francs burundais le kilo, selon les variétés, soit une augmentation de plus de 300 francs burundais pendant une période ne dépassant pas un mois. Revue de la presse. La Banque mondiale, au chevet du Burundi en matière de santé publique, rapporte Net Press. En effet, écrit ce journal, la Banque mondiale vient d'octroyer ce 21 mai 2024 un don de 30 ambulances d'une valeur de 2 millions de dollars américains, soit l'équivalent de plus ou moins 7 milliards de francs burundais. Ces fonds ont été prélevés au projet de lutte contre la pandémie du Covid-19, précise ce confrère, qui ajoute que 8 ambulances seront affectées dans des districts provinciaux de la santé au moment où 21 d'entre elles seront placées dans des hôpitaux communaux. Une autre ambulance sera à la disposition du centre d'opération d'urgence de la santé publique. 4 personnes mordues par des chiens risquent la mort suite au manque de médicaments antirabiques. Alerte l'agence burundaise de presse, qui précise qu'une personne sur ces 4 mordue par un chien enragé en commune Gisagara de la province Cankuzo est déjà morte, comme l'a indiqué le médecin directeur du district sanitaire de Cankuzo, Dr Sylvestre Kansuraheva. C'était lors d'une réunion socio-sécuritaire des chefs de services provinciaux, dirigée mardi 21 mai 2024 par le gouverneur de cette province, Boniface Banyezako. Ces 4 personnes mordues par un seul chien sont toutes de la colline Bunyerere, poursuit Dr Kansuraheba, qui s'inquiète que les 3 autres pourraient être rabiques et contaminer les autres d'un moment à l'autre, étant donné qu'ils n'ont pas été vaccinés suite à la rupture des vaccins qui s'observe actuellement. Au niveau de l'administration, souligne encore la BP, on affirme la présence de chiens errants, inclus ceux en provenance de la Tanzanie. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par le duo Francine Ndeokubgayo et Jean-Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.